إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons بإذن الله بعون الله عز وجل. La traduction et explication française du livre intitulé القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Après avoir terminé les règles concernant les noms d'Allah Azzawajal, les règles concernant les attributs d'Allah Azzawajal, on a commencé, pour ce qui était cette troisième partie, les règles concernant les preuves des noms et des attributs. Et comme on l'a déjà dit, à travers cette troisième partie, on va voir beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Ça va être ici, à travers les quatre règles exactement que le cheikh va nous citer, une synthèse, mais également ça va nous permettre de réviser ce qui a été déjà vu, de le comprendre et également de pouvoir argumenter de manière claire, avec méthode, ce que l'on a étudié à travers ces règles, et particulièrement lorsqu'on va réfuter ce qu'ont avancé les gens d'innovation, ceux qui ont innové, et particulièrement dans ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. On a vu donc, et on a commencé d'expliquer la troisième règle. Donc on s'était arrêté à la troisième règle. القاعدة الثالثة فيقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Dans cette troisième règle qui est très très importante et qui est très précise, il nous dit le shir Vawahir al-Nusus sifat. Vawahir, qui est bien entendu le pluriel de Vahir. On a déjà vu ce terme plusieurs fois. Vawahir al-Nusus. Et particulièrement dans ce qui a précédé. Lorsqu'il avait dit le shir Ijra'uha ala Vahiriya. On s'est bien entendu un Nusus. Donc Vahir, c'est ce qui est en apparence. Ce qui est voulu donc en apparence. Lorsqu'on utilise un terme, lorsqu'on utilise une phrase, on veut par ce terme, on veut par cette phrase un sens qui est apparent. Dans ce sens qu'on va comprendre le terme Vahir, ici au pluriel Vawahir al-Nusus al-Sifat. Vawahir al-Nusus al-Sifat. Donc ce qui va apparaître des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit donc ces textes, dans leur apparence, Ma'loumatunana bi'artibarin, ils vont être sous un aspect Ma'louma, c'est-à-dire connu. Et sous un aspect, ils vont être majhula. Majhula, qui est le contraire de ma'louma. Ma'louma qui vient du terme ilm, et majhula qui vient du terme jahl. Donc ma'louma qui est connu, dont on a science, dont on a connaissance. Ou majhula qui vient du terme jahl, donc dont on a ignorance, dont on ne connaît pas. Donc, l'apparence des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, que ce soit donc le Coran ou la Sunna, ils vont être sous un aspect connu auprès de nous et sous un autre aspect inconnu. Et ensuite il va préciser le shir, ce qui va être connu et ce qui va être inconnu. فَبِعْتِبَارِ الْمَعْنَى هِيَ مَعْلُومَ. Donc par rapport à son sens, il est connu, ou elles sont connues, à nos sous, ou ils sont connus les textes. وَبِعْتِبَارِ الْكَيْفِيَ التي هي عليها مجهولة. Par contre, pour ce qui est du comment, Donc, de ce qui va ressortir en apparence des textes concernant les attributs d'Allah Azzawajal, ce comment, il est pour nous, majhoula, il est pour nous donc, inconnu, dont on ne peut avoir connaissance, dont on ne peut avoir science. Donc ça, c'est une base qui est fondamentale à comprendre pour ce qui est des preuves, des noms et des attributs. C'est que lorsqu'on va lire un texte du Coran qui comprend les attributs d'Allah Azza wa Jalla, on va savoir que sous un aspect, ce texte-là, il nous est connu. Et cet aspect-là, c'est al-ma'na, le sens. Par contre, sous un autre aspect, il nous est inconnu. Et cet aspect-là, c'est al-kayfiyya, c'est le comment, donc, de ces attributs, des textes, de l'apparence des textes qui contiennent les attributs d'Allah Azza wa Jalla. يقول الشيخ وقد دل على ذلك السمع والعقل. Pour ce qui est de cette règle, également, elle a été indiquée, que ce soit par le Coran ou que ce soit par la raison ou par les textes, les textes ou la raison. Mais ici, ça va être particulièrement le Coran, parce qu'il va nous citer ensuite le Cheikh 3 versets du Coran. فيقول أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Pour ce qui est donc du premier verset, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ça, c'est le premier verset. Ensuite, le deuxième verset, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Et ensuite, le troisième verset, nous avons fait descendre sur toi le rappel, la dhikr, ici bien entendu le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Comment on va comprendre ces versets? Wajhul istidlal, l'aspect argumentatif de ces versets. Wajhul istidlal. Premièrement, nous dit le shir, wa tadabbur la yakunu illa fima yumkinu al-wusul ila fahmihi liyatadhakkara al-insanu bima fahimahu minhu. Ça, c'est le premier aspect argumentatif, c'est-à-dire dans ces versets, on s'aperçoit de manière claire et nette qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne liyadabbaru, également la'allakum taqilun, également wa la'allahum yatafakkarun. Donc tous ces termes qui sont employés, ils nous appellent à méditer sur les versets du Coran, à réfléchir sur les versets du Coran. Et on voit que dans le premier verset, à la fin du premier verset, wa liyatadhakkara ulul albab, pour que se rappellent les gens doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués d'intelligence. Donc il nous dit le shir, at-tadabbur, donc le fait de réfléchir, méditer sur les versets du Coran, la yakum illa fima yumkinu al-wusul ila fahmi, c'est-à-dire ça va être à partir uniquement de ce que l'on peut parvenir, de ce dont on peut parvenir à sa compréhension, ila fahmi, donc des textes qui vont être clairs par rapport à leur sens pour qu'on puisse réfléchir, et afin que l'homme donc se rappelle d'après ce qu'il aura compris de ces textes-là. Donc il faut qu'il y ait un sens qui soit clair pour qu'ensuite il puisse réfléchir. La deuxième chose, le deuxième point, وَكَوْنُ الْقُرْآنِ عَرَبِيًا لِيَعْقِلَهُ مَنْ يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ وَإِلَّا لَمَا كَانَ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا. Donc il nous dit le shir, la deuxième argumentation ici, c'est comme on a vu dans les versets du Coran, Inna ja'annahu Qur'anan arabiyya la'allakum taqilun. Ça, c'était pour le deuxième verset. Et on a vu d'autres versets dans le même sens auparavant, dans le cours précédent. Nous allons vous faire un Coran arabe afin que vous raisonniez. Donc c'est un Coran qui est en langue arabe afin que les gens comprennent de manière claire ce qu'indiquent les textes, et plus précisément les textes propres aux attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre en langue arabe? Pour que ça soit clair pour les gens et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté et pour que ce soit des versets donc qui soient plus explicites. Donc automatiquement il faut qu'il y ait un sens qui est clair, sinon comme il nous dit le shir, il n'y aurait eu aucune différence de le faire descendre dans la langue arabe ou alors dans une autre langue. Si Allah Azza wa Jal il a choisi de par sa sagesse que son Coran il soit en langue arabe, c'est bel et bien ici on en voit la raison dans ce verset, la'allakum tarkelun, que vous donc raisonniez, que vous réfléchissez, que vous méditez, que vous contemplez les sens des versets du Coran, donc des sens qui sont bel et bien présents et qui sont clairs. La troisième chose qui nous dit le shir, wa bayan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an lin-nasi shamilatun aw shamilun li bayan lafdhihi wa bayan ma'nahu. Donc il nous dit le shir également, comme dans le dernier des versets, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, qu'ils réfléchissent. Donc dans le dernier des versets qu'il a cité le shir, on s'aperçoit que l'éclaircissement que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du Coran qu'il a donné donc aux gens comprend, yani shamil, il comprend aussi bien la mise en évidence de ses termes, donc al-lafz, et également la mise en évidence de son sens, al-ma'na. Donc il comprend lafz ou al-ma'na. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en évidence et il a expliqué aux gens le Coran sous ces deux aspects, al-lafz et al-ma'na. Ça c'est la troisième argumentation. Donc on s'aperçoit bel et bien, d'après ce que nous a cité le shir, d'après ces textes du Coran, que les textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah Azzawajal, ils nous sont connus quant à leur sens. Quant à leur sens. Bi'tibar al-ma'na. Ensuite il va nous dire le shir, wa amma al-aql. Wa amma al-aql. Deuxième type d'argumentation, deuxième méthode d'argumentation qui est le raisonnement, notre propre raisonnement. Bien entendu, si le shir, il va mettre en évidence cette règle, et si on dit qu'elle est précise, elle est très importante, c'est qu'on va, à partir de cela, après donc avoir édifié cette règle, l'avoir expliquée, et en donnant les preuves du Qur'an, et en donnant les preuves également de notre propre raisonnement, on va réfuter ici un madhhab que beaucoup de gens ne connaissent pas de par son nom, ou alors que beaucoup de gens ne connaissent pas de par ce qui en réalité l'indique, qu'il induit et qu'il a induit en erreur beaucoup de musulmans, et qui est en réalité un madhhab qui est très vicieux, ayadan billah. Donc le fait d'insister sur cette règle là et de l'expliquer mot à mot et de l'édifier clairement, que ce soit clair dans nos esprits, c'est pour ensuite réfuter ce que le shir va nous citer en rappelant ce madhhab qui s'appelle, comme on verra, madhhab al-mufawwida. Al-mufawwida. Ensuite le shir dit wa amma al-aql fa li'anna min al-muhali an yunzila Allah ta'ala kitaban aw yatakallama rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bi kalamin yuqsadu bi hadha al-kitab wa hadha al-kalam an yakuna hidayatan lil-khalq. ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Donc, de par notre raisonnement, il nous dit le shir que c'est strictement impossible qu'on ne peut raisonner cela. C'est contraire au raisonnement saint. Donc, il est strictement impossible qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre un livre, ou alors que son envoyé parle, et que de par ses paroles, donc, soit les paroles d'Allah dans son Coran, ou alors les paroles du prophète sur saint qui a transmis de son Seigneur, alors que l'on veut, à travers bien entendu ses textes ou ses paroles, d'Allah et de son prophète, que l'on veut al-hidayah, que l'on veut donc la guidance, dont le but est la guidance des gens, hidayat al-khalq. Et plus précisément, et ça c'est encore plus important pour ce qui va concerner une des plus grandes choses, une des plus grandes affaires dans ce Coran et qui va être bien entendu ce qui concerne Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire la science que l'on va avoir de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il dit وَيَبْقَى فِي أَعْظَمِ الْأُمُورِ وَشَدِّيَا ضَرُورَةً مَجْهُولَ الْمَعْنَى. C'est-à-dire que pour ce qui est du tawhid, on va dire le tawhid de façon générale, c'est-à-dire la connaissance d'Allah azawajal à travers son tawhid, soit donc tawhid al-rububiyya ou al-uluhiyya ou al-asma ou sifat, pour être encore plus général ici, pour ce qui rentre dans al-maqsoud, ce qui est voulu par le shir ici, c'est que encore pour ce qui est de ces textes-là, qui sont donc des plus importants, que on ne puisse affirmer, donc on ne puisse affirmer à partir de tout ce qu'on a cité, que al-ma'na, que le sens, il soit majhoul, qu'il soit donc inconnu. Alors ici qu'on est bien en train de démontrer que le sens, il est connu. Donc pour résumer, il nous est strictement impossible de penser qu'Allah Azza wa Jalla fait descendre un livre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec des paroles, et que le but de tout cela, ça a été al-hidayah, ça a été donc la guidance des gens sur le droit chemin, afin qu'ils connaissent leur Seigneur. Ils connaissent leur Seigneur à travers donc le tawhid, à travers la science du tawhid, la science de l'unicité. Que l'on puisse dire à partir de ces textes-là, ou qu'on nous dise à propos de ces textes-là, que leur sens, majhoul, c'est-à-dire que leur sens, il soit pas connu. Qu'on ne puisse connaître le sens réel de ces textes-là. Et bien entendu, ce qui va être voulu par les gens de l'innovation, les textes concernant les sifat, les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il va nous rapporter, et il va nous dire, le chien, bien entendu, que ça ferait partie de minas-safa, de l'idiotie donc. Et c'est une chose dont la sagesse d'Allah Azza wa Jal ne peut accepter, alors qu'Allah Azza wa Jal lui-même, il est dit dans son livre, Kitabun uhkimat ayatu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. Allah Azza wa Jal, comment il met en évidence et comment il décrit les versets de son livre, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est strictement impossible que l'on puisse penser que les textes, et plus précisément les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, soient de la même valeur que des lettres de l'alphabet qui auraient été écrites sans même qu'il y ait un sens, sans même que l'on puisse comprendre de ces lettres-là un sens. Donc c'est strictement, de par notre raison, strictement impossible à penser. Et nous dit le shir, Hadi, dilalatu sam'i wal 'aqli ala 'ilmina bi ma'ani nusus as-sifat. Donc ici ce sont des preuves qui viennent, une argumentation qui vient de mettre en place, qui vient de démontrer le shir, qui vient d'exposer le shir, rahimahullah, concernant donc notre raison et concernant avant cela, bien entendu, les textes mêmes du Coran, qui nous prouvent que notre science est belle et bien présente ici, notre science concernant nusus as-sifat, les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce qui a été dit ici, c'est pour prouver de manière claire que les textes du Coran, de façon générale, et plus précisément les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, leur sens, il nous est connu. Leur sens, le marna, il nous est bel et bien connu. Ensuite, il nous dit le shir, وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième partie de la règle, parce qu'il nous avait dit le shir, يعني النصوص ومجهولة لنا باعتبار آخر. Donc elles sont مجهولة, elles nous sont inconnues par rapport à un autre aspect. Et il avait dit, pour ce qui est de ce deuxième aspect, celui qui va être qui va nous être inconnu, ça c'est dans la règle. Et le shir nous dit ici que les preuves qu'on a apportées, que le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, on est bien ici fil kayfiyah, on n'est pas ici fil ma'na, on est bien ici fil kayfiyah, le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, ça nous est par contre ici inconnu. Il nous est donc impossible d'y parvenir par notre science, par notre connaissance. Et c'est ce qu'on avait vu dans la sixième règle concernant les règles des attributs. Donc on revient à cette règle qu'on a déjà étudiée précédemment pour prouver que le kayfiyah nous est strictement inconnu. Ensuite il nous dit le shir, wa bihadha, donc tout ce qui a précédé, tout ce qu'on vient de dire à partir de cette règle, ce qu'on a expliqué, il nous dit وَبِهَذَا عُلِمَ بُتْلَانُ مَذْهَابِ الْمُفَوِّضَ الَّذِينَ يُفَوِّضُونَ عِلْمَ مَعَانِ نُسُوسَ الصِّفَاتِ وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَالسَّلَفُ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَقْوَالُ عَنْهُمْ بِإِثْبَاتِ الْمَعَانِ لِهَذِهِ النُّسُوسِ إِجْمَالًا أَحْيَانًا وَتَفْصِيلًا أَحْيَانًا وَتَفْوِيضِهِمَا الْكَيْفِيَّةِ لِعِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Le shir, donc, à partir de là, il va dire que avec ce qu'on a argumenté précédemment, il nous est plus que clair que le madhab, ce qu'on appelle le fawwida, c'est un madhab qui est bâtil, qui est complètement faux. Qu'est-ce qu'un mufawwida? Ce terme-là, le mufawwida, ici bien entendu, ismun fa'il. Ismun fa'il, le mufawwida. Ismun fa'il, de ceux donc qui ont fait cet acte-là, dans la croyance, qui ont eu donc cette croyance, qui ont établi cette croyance. Ce terme, il vient donc du terme tafwid. Al-masdar ici, al-tafwid. Qu'est-ce que marna al-tafwid bidwa? Si on regarde au niveau de la langue arabe, de façon générale, lorsqu'on parle du terme at-tafwid, c'est tout simplement s'en remettre ou remettre quelque chose à un autre que nous, ou alors s'en remettre à un autre que nous, etc. C'est pour ça qu'on dit par exemple antufawwid al-amr ila Allah azza wa jalla, c'est-à-dire que la personne elle va faire al-asbab, elle va faire donc les causes par rapport à ce qu'elle veut obtenir, et ensuite une fois qu'elle a fait ce qu'il est dans son pouvoir, tufawwid al-amr ila Allah, c'est-à-dire donc qu'elle s'en remet à Allah azza wa jalla pleinement, Allah, elle s'en remet pleinement à Allah azza wa jalla. Ça c'est ma'na tafwid. Donc tufawwid ila Allah amrak, c'est à titre d'exemple. Donc on voit ici que at-tafwid, le terme ici il va venir, pour être plus précis, concernant les attributs d'Allah azza wa jalla et ce qu'ils veulent eux, al-mufawwida. Ils veulent nous faire croire que le madhab des salafs, c'était que tous les textes concernant les attributs d'Allah azza wa jalla, ils nous étaient inconnus et que l'on devait remettre leur sens à Allah azza wa jalla. Nufawwid al-ma'na ila Allah azza wa jalla, c'est-à-dire où on ne connaît réellement ce qu'Allah azza wa jalla a voulu dire par ses attributs. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, Allah azza wa jalla s'établit sur son trône. On ne sait pas le sens de ce verset. On remet le sens de ce verset à Allah azza wa jalla. Taïb, hadhihi al-mufawwida. Voilà ce qu'ils disent. Et ils nous font croire, ils ont fait croire aux gens, et beaucoup ils sont tombés dans ce madhab, que ça c'est le madhab des salafs. Alors qu'on a vu dans la règle précédente, ou dans la règle qu'on a étudiée, que bi'tibar al-ma'na, pour ce qui était du sens des versets, de façon générale, et plus précisément des versets contenant les attributs d'Allah Azza wa Jalla, ça nous était connu le ma'na. Lorsque Allah Azza wa Jalla il dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire al-istiwa 'ala al-'arsh. On sait ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est sur son trône. Mais al-kayfiyya, ça on ne sait pas. Al-kayfiyya, le comment Allah Azza wa Jalla s'est établi, le comment de cet attribut qui est al-istiwa 'ala al-'arsh. Ça nous est majhoul, ça nous est donc, par rapport à nous, êtres humains, complètement inconnu. Donc, lorsque le shir ensuite il a dit que les textes, tous les textes, ou arfouan, toutes les paroles qui nous ont été transmises des salafs, relatent bien que les salafs, yuthbitun al-ma'ani, yuthbat al-ma'ani, donc ils attestent l'essence de ces nusus, les hadhihi nusus, de manière générale, parfois et de manière plus précise en d'autres moments. Wa tafwidhim al-kayfiyya. Ici, tafwid, at-tafwid, c'est-à-dire le fait de remettre le sens à Allah Azza wa Jalla, ça concerne uniquement al-kayfiyya, bien entendu. Ça concerne uniquement al-kayfiyya. Donc, hum yufawwidun al-salaf, lakin yufawwidun al-kayfiyya, la yufawwidun al-ma'na. Amma al-mufawwida, c'est-à-dire ceux qui sont dit al-mufawwida, eux, yufawwidun al-ma'na, c'est-à-dire qu'ils remettent le sens à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'ils disent nous ne savons pas, comme si Allah Azza wa Jal nous avait parlé dans un langage qui nous était strictement incompréhensible, comme s'il nous avait parlé, lorsqu'il parle de ses attributs à Allah Azza wa Jal, dans un langage qui revenait à à écrire des lettres de l'alphabet sans qu'il y ait un sens. C'est exactement ce qu'ils disent à propos du Coran. Ils veulent nous faire croire, yadda'un, ils prétendent que ça c'est le madhab des salaf. Donc on voit le boutlan, on voit donc la fausseté de leur croyance, ayyadun billah. Et ce qu'ils veulent imputer aux salaf, alors qu'ils en sont totalement, comme on l'a dit, le shir bari'un, ils en sont complètement innocents de cela. Pour ce qui est du tafwid concernant les salaf, ça, c'est uniquement dans al-kayfiya, c'est-à-dire qu'on a compris le sens. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, qu'Allah s'est établi sur son trône, on a compris le sens. Au niveau du sens, on sait ce que ça veut dire. Par contre, al-kayfiya, le comment, ça, on ne le sait pas. Et on remet bien entendu cela à Allah Azzawajal. C'est lui seul qui le sait, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est al-tafwid fil-kayfiya. Par contre, al-tafwid fil-ma'na, ça ne fait pas partie du madhab des salaf. Ça fait partie du madhab de cela, de ce qu'on a appelé ensuite, donc, de par ce terme, al-mufawwida. Ici, le shir va nous rappeler une parole de shir al-islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, dans son livre qui s'intitule Al-Haqq wa al-Naql, ce livre qui a été édité plusieurs fois et que l'on retrouve sous le titre Dar al-Ta'arub Al-Aql wa al-Naql. Donc Al-Aql wa al-Naql, Al-Aql c'est bien entendu la raison, wa al-Naql c'est ce que nous est transmis, c'est donc la révélation. Et à travers ce livre, qui est un livre d'un très haut niveau, Cheikh al-Islam, tout le long de ce livre, il va mettre en évidence qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison saine de l'homme, et ce qui nous a été transmis de la part du Seigneur des mondes, c'est-à-dire donc la révélation. Tout le long du livre, il va nous prouver de A à Z qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison humaine et entre les textes du Coran, les textes de la Sunna. Taïb, ça c'est un livre qui est édité plusieurs fois, qui est présent, que l'on trouve. Il faut savoir que, comme nous l'a rappelé celui qui écrit ce livre, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, à propos de ce livre, que son élève, l'élève de Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, il a fait de grands éloges à propos de ce livre. Il a même dit que, bien entendu, dans son sujet, le sujet du livre, il n'a pas de semblable ce livre dans le sujet qu'il a traité. Et il nous a rappelé le shir rahimahullah que ce livre là celui qui va le lire, celui qui va l'étudier, c'est une personne qu'il faut qui soit calée dans la science, qui ait de connaissances, qui soit solide, et qui n'est pas permis à une personne qui n'a pas appris auparavant, qui n'a pas un niveau de la science, qui ouvre ce livre et qu'il commence donc à lire. Ça, c'est une nasiha. Ça donc, c'est un conseil pour ce qui est de la lecture de certains livres, et particulièrement ici le livre de Cheikh al-Islam. Il va prendre uniquement une parole du shir qui va lui réfuter le madhab de al-mufawwida, et qui va mettre également, lui, rahimahullah, en évidence le danger de ce madhab, et que c'est un madhab qui va impliquer des choses qu'il faut rentrer dans le kufr, yani la mécréance même. Et c'est ce qu'on va lire. Fayaqul, rahimahullah, donc ça c'est pris de la parole même de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre, Al-Aql wa al-Naql. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقل وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. Donc la première chose qu'il nous dit le shir, c'est ce qu'il avait déjà détaillé shir al-Uthaymeen par rapport à ce point-là, qui est un point qui est plus que fondamental. C'est lorsque l'on va dire que at-tafwid, que l'on doit donc remettre ce qui est madhab al-mufawwida, remettre le sens des versets concernant les attributs à Allah Azzawajal, il nous dit le shir qu'il est connu qu'Allah Azzawajal nous a obligés de réfléchir sur le Coran, de méditer sur le Coran. Il nous a appelés à y réfléchir, à le comprendre. Donc comment peut-on dire qu'il est permis de s'écarter du sens ou de s'écarter de la compréhension des sens des versets et de leur connaissance. Donc c'est quelque chose qui est strictement impensable, comme nous l'avait dit le shir, minnahat al-aql, de par même al-aql, de par notre raison. Et également, bissam, avec les textes du Coran qu'il avait cité le shir auparavant. Il a un qal, donc il a dit ensuite, le shir, وَحِينَ إِذِينَ فَيَكُونُ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ كَثِيرٌ مِمَّا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ لَا يَعْلَمُ الْأَنْبِيَاءُ مَعْنَاهُ. Ça voudrait dire donc à ce moment que ce qu'Allah Azzawajal il a décrit de lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ou beaucoup de ce qu'Allah Azzawajal a décrit, il nous a dit لَا يَعْلَمُ الْأَنْبِيَاءُ مَعْنَاهُ. Ça voudrait dire que donc les prophètes ne connaissent pas leur ma'na, leur sens. Si on dit maintenant qu'on doit remettre le sens à Allah Azzawajal de ces versets-là, et que c'est le madhab al-salaf, lorsqu'on dit madhab al-salaf, ça comprend dedans. Lorsqu'on dit salaf, le premier des salaf, c'est le prophète, pour ce qui est de cette communauté. Ensuite, ses compagnons, et ensuite ceux qui ont suivi les compagnons. Donc, ça revient à dire que les envoyés eux-mêmes ne connaissaient pas le sens de ces versets. بَلْ يَقُولُونَ كَلَامًا لَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهُ. Il nous dit, ça va encore plus loin. En disant et en prétendant ce madhab, ça voudrait dire que l'on ampute aux prophètes, aux envoyés, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne réfléchissent pas ou qu'ils n'ont science de ce qu'ils disent. Ils sont donc totalement ignorants de ce qu'ils disent. وَمَعْلُومُ أَنَّ هَذَا قَدْحٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِذْ كَانَ اللَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُ هُدًى وَبَيَانًا لِلنَّاسِ وَبَيَانًا لِلنَّاسِ وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارض ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. Le cher ici donc il va nous dire que de dire ce qu'on dit al-Mufawwida, c'est en réalité discréditer le Coran, c'est en réalité discréditer les envoyés, car on sait qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran, il a fait descendre donc le Coran et qui nous a informé que ce Coran il l'a placé comme étant donc un guide, une guidance pour les gens, et il a également ordonné ses envoyés ou son envoyé de retransmettre ou de transmettre la révélation, une transmission qui est claire, et d'expliquer, de donner la clairvoyance, ou alors d'expliquer, de mettre en évidence aux gens ce qui était descendu sur eux, donc d'expliquer le Coran. Il nous a également obligés de connaître, obligés de réfléchir sur les versets du Coran. Et il nous dit le shir, sachant que de ce qui est de plus noble dans le Coran, c'est ce qu'Allah Azzawajal nous a informé, ce que le Seigneur nous a informé à propos donc de ses propres attributs. Donc il nous dit le shir, à partir de là, si personne ne connaît le sens de ces versets, si personne donc ne peut y réfléchir et ne peut raisonner donc les sens, alors à partir de là, et si bien entendu également le prophète il n'a pas pu à partir de là mettre en évidence ce qui est descendu de son Seigneur, qu'il ne connaissait pas lui-même le sens des versets concernant les attributs d'Allah Azzawajal et autres. Il nous dit donc, si on suppose cela, tout innovateur, toute personne qui a dévié dans la religion, qu'il dise donc, lui, que la vérité, c'est ce que moi j'ai connu de par ma propre raison, de par mon propre avis. Et que rien parmi al-Nusus, que rien donc parmi les textes, viennent en contradiction avec cela. Pourquoi ? Parce que nous, les textes maintenant, suivant donc cette parole qui était dite, les textes maintenant, ils vont être considérés comme problématiques, comme ambigus, donc source d'ambiguïté. Donc s'ils sont ambigus, je peux à partir de là moi expliquer comme je veux les versets du Coran, car le sens il n'est pas clair, car le sens il ne peut être donc compris, on doit s'en remettre en Allah. Donc à partir de là, si je veux donner un sens, ce sera le sens que moi je vais donner suivant ma raison. Et comme il nous dit le shir également, donc pour ce qui est de la réfutation, il nous dit si on ne comprend pas un verset par rapport à son sens, alors il nous est impossible d'argumenter à partir de ce verset-là. Juzan Yustadal l'a dit. Donc il nous dit que cette parole-là, cette parole qui est la parole de Al-Mufawwida, c'est tout simplement une restriction ou alors une porte qui est fermée concernant Al-Huda, pour ce qui concerne donc la guidance, une porte qui est fermée à la guidance et la mise en évidence, la clairvoyance qui devrait être donnée donc de la part des prophètes aux gens pour ce qui concerne les sens des versets du Coran. Au fathan libab man yu'aribuhum. Et également, d'un autre côté, ça va ouvrir une porte à ce moment-là à tous les innovateurs. Car à ce moment-là, ils vont dire, les innovateurs, que notre voie à nous, elle est plus claire. Ce que nous, on va expliquer maintenant à partir de là, ça va être certainement plus clair de ce qu'on met en évidence ou de ce qu'on retransmet les envoyés. Et on voit bien ici donc que c'est du kufr. On voit bien donc ici que c'est de la mécréance claire. Il nous dit le shir, Inna al-huda wal-bayanu fi tariqina, la fi tariq al-anbiya. Donc, la véritable guidance est dans notre voie, ce n'est pas dans la voie des prophètes. Li'annana nahnu na'lamu ma naqul wa nubayyinu bil adillati al-aqliya. Parce que nous savons ce que nous disons. Et nous le mettons en évidence, pardon, des preuves qui sont rationnelles. Donc les envoyés ne connaissent pas, ils n'ont donc science de ce qu'ils ont dit, donc à plus forte raison ils sont incapables de mettre en évidence le sens. Il va nous dire à partir de là, donc le shirk, tout ce qu'il a mis en évidence, que ceux qui se disent, ou ceux que l'on appelle, ou la parole, que la parole des gens, de ceux qui remettent donc le sens des versets à Allah Azzawajal, et qui prétendent qu'ils suivent dans cela la sunna, qu'ils suivent dans cela le salaf, il dit que c'est la plus min sharri aqwali ahli al-bid'ah, que c'est donc la plus mauvaise parole des gens de l'innovation et des gens de la déviation. Ayadan billah. Ensuite, donc, le shir, il dit, donc c'est la fin de la parole, il dit, Kalam shir wa kalam sadid min di ra'in rashid wa ma alayhi mazid. Donc, c'est donc une parole qui nous apporte donc une vérité, qui est forte en elle-même, et qui émane une personne donc qui a un avis qui est juste, qui est droit. On n'a rien à ajouter ensuite à cette parole-là. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنة النعيم. مسلسل دعاء الشيخ ensuite pour ce qui est le cher Islam Ibn Taymiyyah. طيب. Ensuite il y aura la dernière règle concernant l'épreuve des noms et des attributs, et donc on la commencera le prochain cours بإذن الله إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب